Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Cédric, souviens-toi, oui, c'est White Rattlesnake, tu vois, je l'ai bien dit, hein, était venu en 2017 dans le Blues Café, mais à l'époque, le monde allait bien. Pourtant, nous aurions dû nous méfier, car selon les experts, dorénavant, il se pourrait que la terrible pandémie que nous subissons depuis maintenant 2 ans, provienne non pas du pangolin, mais des morsures de 2 spécimens rares de serpents à sonnette blanc. Oui, Francis, cette révélation est stupéfiante, mais comme nous sommes de courageux animateurs, vaccinés au blues, nous leur avons malgré tout proposé de revenir nous mordre. Avec leur venin fabriqué à base de Delta Blues et de métal hurlant, ils ont sorti un album en mai dernier, et ça, nous allons en parler avec les White Rattlesnake, qui sont, on s'entraînait toute l'après-midi, Frédéric Pépin à la batterie, Clément Ménard à la guitare et au chant, The White Rattlesnake. We all want it, we all want it. We all want it, we all want it. We all want it, we all want it. We all want it, we all want it. Ça fait plaisir d'être avec vous ce soir quand même. On y va, mon pépin ? think about her. Long as I'm talking, love become a nightmare. From left to right, sometimes there's just one step. And it's so easy to make a mistake. But you found the best in my heart, you can take it. Until you remember that I'm on a jerk. Into space. All she can take, all she gives to me in my faith. I don't know why I give her so much place. And when I close my eyes, I always see her face. Now every night I just can pray about you releasing me from this spell. Lord of mercy, I need a friend. Cause if she come back, I'm gonna do it again. Oh Lord, merci beaucoup. Vous écoutez bien le Blues Café Live et nous sommes ici au Millennium de l'île d'Abo avec The White Rattlesnake et on s'est entraîné toute l'après-midi avec Francis pour dire le nom de ce groupe correctement. Voilà, bravo, donc Francis. On les accueille ici, ils sont avec nous et on va parler notamment de leur nouvel album, mais pas que. Oui, on s'est entraîné, comme tu l'as dit, Cédric. Alors moi, je me suis entraîné sur White et toi, c'était le reste. Hein. C'est ça. C'est un peu plus compliqué, absolument. Alors, comme nous l'avons dit, vous étiez venu en 2017. On avait pas mal parlé de vous. Et bah, ce soir, on va tenter quand même d'y voir clair dans ce nid de serpents à sonnette. D'abord, il y a eu les EP. Et je dois avouer qu'on s'y perd un peu. Hein. Alors, il y a eu un premier en 2014, Blues Job. C'est ça ? Ouais, bravo pour l'avoir retrouvé celui-là. On l'a retrouvé avec le fameux morceau justement What Rattlesnake Moan qui a donné le nom au groupe. Exactement. Bien dit, hein. Ouais, non, mais vous êtes vraiment entraîné, ça s'entend. Ouais, hein, vraiment. Ouais. Ensuite, il y a eu un 6 titres. À vos initiales, alors ça il fallait aussi le savoir, hein, TWR, en mars 2015, un second 4 titres la même année, vous n'aviez pas arrêté de produire des EP. Hein. Celui-ci ça, s'était nommé avec humour Blues Metal Jacket. Un petit clin d'œil à Kubrick. Exactement, ouais. Bon, on a tout bon ? Vous avez tout bon. On a tout bon carrément. Pour l'instant. Hein. Et puis il y a eu un véritable album, enfin, vous avez mis du temps quand même, il s'appelle Too Loud en 2017, sur lequel on trouve le titre repris de The White Rattlesnake Moan. Il est moins bien passé celui-là quand même. Ouais, ouais, bravo, applaudissez-le. Il y a encore de vous, on peut applaudir Cédric, il a beaucoup travaillé quand même. Hein. Il n'a pas fait anglais LV1, ça se sent. Non, c'est ça. Pourtant si, malheureusement. C'est quand même de là que tout a commencé, voilà. Je voulais en venir à ça. 2017, c'est l'album Too Loud qui a fait que le groupe a émergé. Peut-être, oui. Nous, on a. T'en es pas certain. Bah non, pour nous, là, ça a vraiment commencé avec TWR pour nous. Ah oui, d'accord. Parce que c'est pas un album, c'était un EP effectivement, mais c'est la première fois qu'on a décidé de vraiment graver quelque chose qui avait d'importance pour nous sur un CD. et puis qu'on a pris aussi le tournant de dire ce groupe-là, on veut le développer, tout simplement. Alors ça a mis un peu de temps, certes, parce qu'on a voulu aller à notre rythme et qu'on continue à aller à notre rythme. Mais pour nous, ouais, je pense que je dis pas de conneries. Et puis c'est le premier avec Cédric au son. Si c'est à partir de là que le son a commencé à évoluer alors, vers ce qu'on a. Alors non, Cédric, pas notre Cédric à nous, hein. Non, non. Avec notre Cédric, Cédric Lerges, notre ingé son qui maintenant fait partie du groupe et qui était ici en effet. Voilà, ce et qui, soir, a, qui a permis l'identité sonore du groupe. C'est le, c'est le troisième serpent. Exactement. Ouais, troisième c'est ça. Homme. Oui, troisième homme qui est présent du début à la fin dans tout ce qu'on fait. Alors justement, puisque vous parlez un peu d'équipe, comment ça fonctionne entre vous, qui compose, qui arrange, qui apporte et qui est chargé du café? Alors, on avait déjà dû le dire en 2017. Et du coup, bah, le processus de composition, tout ça n'a pas changé. Donc, c'est Clément qui fait tout, puis je fais le reste. Ah. Voilà, donc, voilà, c'est simple. Ça, hein, c'est un peu comme nous. Chacun son rôle. Voilà. Qui c'est qui fait tout chez vous? Il fait le reste et moi, je fais tout. Ok, d'accord. C'est vrai qu'on t'a posé beaucoup de questions en off et à chaque fois, tu nous répondais, il faut voir avec Clément. C'est vrai que je confirme ça. L'album se nomme Snake Oil, huile de serpent. Alors, pendant longtemps, en fait, on ne savait pas ce que c'était. On voulait vous poser la question de savoir ce que c'était, puis on a vu dans les loges qu'en fait c'était du Genepi, puisque vous avez vous avez des petites bouteilles. Le snake oil dans la légende, c'est ce que vendaient les marchands un peu bourrés dans le western, la potion qui guérit tout. Donc voilà, les charlatans, exactement. Donc nous sommes des charlatans et on en est fiers. Et avec le Covid, on en a profité, on s'est dit qu'on avait un remède miracle à proposer aux gens. Alors, est-ce que ça marche par contre? Bien sûr, ouais, bien sûr. Si on en boit assez, ça soigne tout. Moi, j'en ai pas bu et je suis malade en ce moment. La preuve. C'est une preuve irréfutable. J'étais en fauteuil roulant la semaine dernière. Alors, en plus, comme vous ne faites pas comme les autres, l'album ne sort qu'en vinyle et en digital. Pas de CD, pourquoi? Parce que les CD ne se vendent plus beaucoup, la vérité. Et puis surtout mais parce vous qu'on faites a décidé ça pour vendre vous. Ah aussi, ah oui, ouais. Le numérique c'est pour diffuser ouais, et les d'accord. Vinyles c'est pour vendre. Il y a plus cette place dans ma chambre pour entasser les cartons de CD. Non, après il faut aussi dire qu'on est revenu à une autoproduction totale d'accord. Sur cet album-là par volonté, hein. Et que du coup nous avons tout financé par nous-mêmes et aussi par le biais d'un crowdfunding qu'on n'a pas poussé plus loin que ce qu'on avait besoin tout simplement parce que c'était dans notre esprit de ne pas aller au-delà de notre projet initial tout simplement et du coup de ne le sortir qu'en vinyle et pour la première fois aussi de sortir un vinyle parce qu'on n'en avait jamais sorti avant. Il y a un attachement de vous aussi au vinyle, est-ce que c'est quelque chose que vous avez, vous écoutez? Ah bah bien sûr, ouais, ouais, c'est ouais. Que pour faire plus de marge sur les ventes. Alors non, ça ouais, fait c'est... moins de marge la vérité ouais, si tu veux ouais. Tout savoir. Par contre acheter des t-shirts ça ouais. Marche bien. C'est un appel. Ouais ouais, on les a pas ici mais vous en faites pas. Non bien sûr, enfin moi j'ai les vinyles de mon père encore chez moi avec sa platine à lui. Fred aussi t'as des vinyles chez toi, c'est une autre façon d'écouter en fait, il y a l'avantage de pas pouvoir changer la piste comme on le veut, faut y aller autrement. Donc c'est aussi l'occasion de pouvoir proposer un truc qui s'écoute sur toute une face au moins. Dans ce disque, j'allais dire dans ce CD, ben non justement, sur ce vinyle et en digital, il y a beaucoup d'arrangements. Dans ce disque, un gros son aussi et du coup, on imagine que ça doit être difficile à reproduire sur scène tout ça, non? Non. C'est voulu en tout cas. Alors oui, c'est voulu parce que déjà le travail d'un CD, c'est totalement différent de la scène effectivement. Et c'est l'occasion d'en profiter pour proposer quelque chose de différent, de pouvoir avoir des invités, de pouvoir rajouter des instruments. On va y venir, les invités. Mais oui, on va y venir, vous en faites pas. On a des petites surprises avec nous, pas que du Genepi. Et puis. Tout le monde, si on préfère pas le Genepi. Ah bah merde, bon bah tant pis pour vous, les gars. Il y a un gros chartreux aussi qui va arriver après. Qu'est-ce qu'on disait du coup? Je sais plus moi. Le gros son, oui. On parlait du gros son. Le gros chartreux, oui. Après, Cédric qui nous suit du coup depuis 2015, depuis des toujours pas moi, même si je vous suis depuis. Notre ingénieur du son, effectivement. Lui, il travaille avec nous en live aussi depuis cette époque-là. Et on a aussi développé ensemble le son du live. Et essayer de se rapprocher un petit peu de ce qu'on fait en album, de ce gros son, d'avoir quelque chose avec de la basse sur la guitare, tout simplement aussi, parce qu'on n'est que deux sur scène, donc il faut bidouiller un petit peu niveau sonore pour arriver à ce résultat-là. Mais malgré tout, la volonté de proposer quelque chose de différent sur un CD qu'un live. Alors, on reviendra tout à l'heure avec les invités que vous avez eus sur ce disque. En attendant, on vient d'écouter deux titres. We Won't All Eat et My Girl Is a Witch. Alors d'abord, nous, on voulait savoir qui était cette sorcière. Tu le sais, toi, ou pas? Ou je fais une révélation en direct? Oui, oui, oui. Alors, on veut des révélations. Elle s'appelle Sixtine. Et voilà. C'est... Tu vois ou pas? C'est un très vieux morceau. Il faut dire, c'est un morceau que j'ai écrit. À la vérité, je l'avais écrit. Du coup, c'est une très vieille fille. Sur TWR à la base, j'avais écrit ces paroles-là. Avec une autre musique. Et voilà, c'est ressorti pour l'occasion, pour ce CD-là, d'une façon différente. Mais c'est une vieille histoire, donc on peut en parler aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Ça va, il n'y a prescription. Et du coup, Sixteen Tones aussi, c'était ça? Non, pas ça. Sixteen Tones. Ça, c'est une reprise. On l'avait faite aussi, celle-là. Je pensais que c'était. Plutôt gospel. Voilà. Au départ. Hein. En fait, vous découvrez un peu le pourquoi du comment des morceaux entre vous, là, ce soir. C'est chouette ce qui est en train de se passer. Bah, comme c'est lui qui compose, je laisse faire. Moi, je ne m'en mêle pas. On va quand même reparler un peu de la production. Vous l'avez beaucoup cité, votre ingénieur du son, Cédric. C'est avec lui que vous avez enregistré cet album. Dans quel studio? Comment vous avez travaillé sur ce disque? Alors, on a enregistré donc chez lui. Il a son studio... Studio La Forge. Studio La Forge à Saint-Laurent-du-Pont. Et donc, on a enregistré tous nos CD depuis TWR, là-bas. Hein, c'était ça. Hein. On est fidèles en amour. Voilà, on est fidèles. On a rencontré une personne géniale comme nous et du coup, on le garde précieusement. Bon, puis parce qu'il a un studio aussi. Ça a l'air. Hein. Alors, tout à l'heure, je disais qu'on verrait pour les invités un petit peu plus tard, mais on va quand même en parler deux mots parce qu'on va en avoir un qui va arriver bientôt. Il s'agit de Mr. Matt. Alors, on se demandait comment vous aviez réussi à l'attirer. On lui a demandé. Avec merci, des sonnettes merci. De serpent, non? Avec un peu de snake oil, et puis il a dit oui, bien sûr. Voilà, il vous expliquera. On parlera avec lui juste après la deuxième intervention. Belle expérience, j'imagine, d'enregistrer avec Matt. Ouais, c'était cool, ouais. Moins pour Clément, parce que du coup, il s'est senti moins chanteur d'un coup. Il faut raconter pour l'anecdote, une fois que Matt a fait ses prises de chant, moi j'avais déjà fait les miennes à ce moment-là, hein. Et j'ai dû les refaire derrière tellement c'était ridicule. Ah oui, c'est vrai. Voilà. On en parlera tout à l'heure. En attendant, on va vous demander de regagner la scène du Blues Café. Mais avant, Francis, on va faire une petite pause. Vous pouvez les applaudir. Les White Rattlesnake. J'adore le dire maintenant que je sais le faire. On fait une petite pause musicale, le temps qui s'installe, et on va écouter un groupe que tu as adoré, qui s'appelle Gov T Mule, oui. Un album très blues qui sort bientôt, je ne sais plus quand. Oui, on connaît, c'est sorti en novembre, donc il n'y a pas si longtemps. Oui, c'est un groupe qu'on écoute quand même avec du gros son aussi, très très presque rock quand même. Avec Warren Haynes. Ils ont eu envie de retourner aux sources et ils ont fait un double album de blues avec un album de reprise et un album de composition. C'est un petit peu plus calme, un peu moins musclé, mais c'est toujours excellent avec Warren Haynes au chant et à la guitare. On s'était pas entraîné à le dire. Ouais, on s'était pas entraîné. Excellent album, moi c'est un petit coup de cœur. Love is a mean old World, c'est le titre que l'on écoute avant de retrouver les White Rattlesnake. She loved me dry. I might be your friend. Casey Mule à l'instant, et on retrouve tout de suite sur la scène du Blues Café The White Rattlesnake. Ouais. On appelle bon. On a besoin d'un vrai chanteur. Matt, Matt. On a besoin d'un gros chartreux sur scène. Monsieur Matt. On s'est dit qu'il avait besoin d'un petit coup de pub dans sa carrière, du coup on l'a fait venir avec nous. Bonsoir. Ok, c'est cool. All my desires and my dreams, 'cause loving you is not a sin. So for the night, won't you be my queen? Hey girl, would just to let me now. If you want the sparrow on the ground, you can shoot the half one, there is no law. Promise me at the end, you will shout. Oh. to me, girl. Show it to me, girl. Let me be the Nancy of that truck on your skin. One, tell me how do you feel the pain. I just want to take a part in your drawing. So let me grab and rip till I got struck on your skin. Yeah. Hey girl, I confess I love your style. Trust me if I say that it's been to smile. We can cut some colors under his no brown, yeah, yeah. And if you want to make him alive, we can cross the line. Yes, if you want to shine. Yeah. Let me build the net to hold my swords on your skin. Let me stroke on your skin, yeah. And tell me now, do you feel the thrill? Do you feel the thrill? I just want to take a part in your drawing. Oh, did you drown it, baby? So let me build the net till that struck on your skin. Yeah. Merci. What Rattlesnake et Mr. Matt. Ça se passe comme ça dans le Blues Café Live, comme on dit. On va appeler Matt. On va appeler les White. Mais non, je la fais courte parce que je suis sûr que ça s'est bien passé jusqu'à maintenant, Rattlesnake, mais il y a un moment donné où je vais me planter. Voilà. Matt, où il est, notre ami Matt? Mais le voilà, notre ami Matt. Alors, Matt, tiens, un micro. Il y a un micro pour trois, carrément. Matt, qui fait partie des artistes qui ont leur carte de fidélité au Blues Café. Et ce soir, tu as une pizza gratuite. Merci. À force de venir nous voir. Et quatre fromages. Toujours le bienvenu. Tu es toujours le bienvenu. Ou des lasagnes au saumon. Non, ça va. Bon, on sait bien que c'est officieux. Ça sortira évidemment pas de la famille du Blues Café, mais... Que t'ont donc proposé ces deux hommes-là, des serpents de crotales, maman, on peut dire. Ce sont des écoute, pour jouer sur deux titres dus à leur disque. Ils m'ont proposé une journée dans un studio quelque part en Chartreuse, un énorme plat de pâtes et du Génépi gratuit. Et ça, on ne doit pas s'ennuyer avec eux en studio, non? Non, c'était chouette, on s'est marré, je crois. Ouais. Bon, Matt, on est quand même un peu loin de ton univers. Comment t'as appréhensé ça, alors? Bon, on sait que tu t'es bien amusé, on sait que t'as mangé des pâtes. Que t'as bu du Génépi. Ouais. Que t'as bu du Génépi. L'ensemble fait que t'as pu accepter très bien. Non, parce que en fait, à l'époque de Mountain Man, quand je les avais... On les avait rencontrés, je crois, c'était au Grazy Blues. Et on les avait invités avec Mountain Man en première partie sur une sortie d'album à Grenoble. Et puis de là, voilà, c'est des gars cool. Et puis ça me faisait plaisir. Et puis moi, cette musique, j'adore ça, quoi. C'est trop bon, quoi. Donc, et puis quand les mecs sont cool et qu'il y a des pâtes et des Génépi, qu'est-ce que tu veux de mieux? Mais tu nous disais, Orantin, que du coup, t'allais piquer un peu de leur compo, les arranger et puis faire un peu cette musique-là. Ah ben, j'ai tout déposé, ils le savent pas. Ça, c'est pour ça que ça s'est pas passé. Et Fred ou Clément, je ne sais pas, l'un des deux. Il y a d'autres invités sur cet album. Il n'y a pas que Matt tout de même. Non. Tu peux nous en parler? Ah bah, il y a plein d'autres amis. Il y a JC Exertier à la guitare qui est venu poser un magnifique solo sur un beau morceau. Il y a Noémie Latisse aussi qui est venue chanter sur un morceau qui est unique sur l'album. Du coup, on ne pourra jamais le jouer en live celui-là. On a voulu le composer exprès pour l'album. Et elle est venue aussi proposer sa voix sur deux autres morceaux. Donc voilà, une artiste suisse qu'on avait rencontrée en festival, Nella, exactement, son groupe, son projet. Et il y a un titre qui est assez chouette, qui réunit tous les guests. Il y en a qu'un qui est chouette. Tu nous répéteras trois fois les White Rattlesnake. Matin, midi. Non, mais ils sont tous chouettes. Mais celui-là, il est amusant, il est sympa de retrouver tous les guests sur le même titre. Voilà, il s'appelle Piece of Life. Voilà. Au début, c'est, on l'appelait Peace of Life, PI2SE, mais on n'a pas pu le faire. C'était le nom du projet secret entre nous quand on parlait de l'album, c'était D'accord. Peace of Life comme ça. Et ouais, c'est un morceau qui a failli pas voir le jour en vérité. Parce que c'est un morceau qu'on a décidé justement de laisser complètement libre et de voir ce qui se passait avec tous les invités, si D'accord. tout le monde pouvait poser un petit truc et voir si ça fonctionnait à ce moment-là ou pas, en sachant que quand on était que tous les deux, bah, ça fonctionnait pas, tout simplement. Donc il a vraiment été imaginé et construit tous ensemble au fur et à mesure de l'album, et c'est une super expérience et trop chouette d'avoir pu proposer ça, quoi. Et maintenant c'est parti, évidemment. Ouais. Hein, un beau morceau pour toi? Bah, c'est le morceau où je fais les gros carrières. Ouais, avant qu'il chante, c'était pas terrible. Et puis du coup, il a bien remis. Hein. Ouais, c'est, le morceau était vachement chouette. Ouais. C'est une grande ambiance. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Et l'album est vraiment mortel. C'est vraiment chouette. Et ça, c'est clair. Je le confirme. L'album est sympa aussi. J'aime beaucoup ce disque. Moi, c'est le morceau que j'aime le moins. Nous aussi. Alors, on va continuer à mettre la pagaille dans le groupe parce qu'en fait, toutes les compositions sont signées Clément. Ça veut donc dire que Fred, il a rien foutu. Et je l'ai dit tout à l'heure. Il fait tout, je fais le reste. Alors, s'il fait quand même les lignes de batterie, et malgré tout, moi, je serais pas capable de le faire, tu vois. Donc, il est modeste, cet homme, c'est tout. Dans l'album, donc, il y a deux reprises que vous allez jouer maintenant, j'espère. D'abord, il y a « Where did you sleep last night ?», attribué un peu par erreur, à mon avis, au bluesman Led Belly. D'ailleurs, pour l'anecdote, attention, je mets ma casquette de prof, c'est Kurt Cobain de Nirvana qui l'a joué ainsi, il l'avait attribué à Led Belly. Mais en fait, il s'agit d'un très vieux folk song qui remonterait à 1870. Vous comprenez Attention, pourquoi Attention, interro écrite à la fin. Hein. Alors là, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais la SACEM, pour eux, c'est Led Belly, c'est tout. vous comprenez pourquoi je le surnomme Pierre Tchernia, mais... Parce qu'il est chiant. L'autre reprise, parce qu'il y en a une autre, c'est It Hurts Me Too, signé cette fois-ci par Whitaker Hudson, qui n'était autre que... Elmore James. Pas du tout. Non. Celui d'avant. Tom Parade. Tom Parade. J'avais dit qu'il était chiant. C'est monté, hein. Et sur le 10, c'est toi, justement, Clément, qui joue tout seul en acoustique. C'est assez étonnant, finalement, mais c'est à la fin de l'album. Peut-être que Fred était très fatigué. C'est une façon de terminer en douceur avec un. Après un déluge de décibels, peut-être aussi pour montrer vos racines blues, non? C'est ça, c'est un morceau qui est apparu vraiment à la dernière seconde. On a dit vas-y, on tente. Et c'est enregistré avec un ukulélé complètement explosé, un jouet que t'achètes à 10 balles dans un truc des merdes. Et... Hors taxe? Avec les taxes, avec tout. Hein. Mais ouais, c'était l'idée d'essayer un petit truc, de revenir effectivement un peu aux origines du blues, pourquoi pas, de proposer ça. Et puis c'est l'occasion de pouvoir le faire sur un CD, chose qu'on n'avait jamais osé faire en live, en fait, tout simplement. Vous n'avez pas fait de CD ? Oui, c'est totalement faux, c'est une fake news. Ouais, excuse-moi, tu joues avec les mots, mais tu répéteras White Rattlesnake 3 fois. Alors et du coup, pour répondre, je ne joue pas dessus parce que j'aime pas le blues, donc je savais pas quoi faire. Hein. Toi non plus. Maintenant plus. Hein. Non, bah, bien sûr, il a commencé avec le blues, puis il s'en est très vite écarté. Le blues, c'est comme Francis, c'est chiant. D'accord. Merci, bon, je m'en vais. Bravo. On a lu que vous avez dit la phrase suivante, je ne sais pas si c'est très français ce que je viens de dire, jouer sur une grande scène devant plein de monde et avec des artistes réputés, c'est génial, mais c'est parfois assez impersonnel, alors que passer un vrai moment d'échange avec les personnes, techniciens, bénévoles, c'est là que les souvenirs se font vraiment, donc on imagine que ce soir vous êtes comblé. Ah oui. Oui, parce qu'on partage avec... la scène avec pas un grand artiste, et ça fait du bien. C'est pour ça qu'on aime bien jouer avec Matt. Alors, il y a encore une autre anecdote qui circule, parce qu'on a quand même épluché tous les canards, ici Paris, Closer ou je ne sais quoi, et on a vu que lorsque vous partez en tournée, eh bien vous emportez des boules de pétanque et un palais breton pour jouer dès que vous avez un moment, c'est vrai ça? Oui. C'est rangé juste à côté de la poupée gonflable. Ouais, c'est vrai. J'ai pas parlé de poupée gonflable. Faut pas se tromper, par contre. Tu voulais du croustillant, tu vas en avoir. Hein. Et il paraît même que vous rêvez de trimballer aussi un baby-foot dans le camion, c'est vrai? Ça a même déjà été fait 2-3 fois, on a eu la chance de le faire, mais bon. Dans ces cas-là, vous ne prenez pas la batterie, vous mettez le baby-foot? Non, on avait réussi à tout prendre, mais on avait un plus gros camion à l'époque. Bah oui, il faut choisir, on achète un ukulélé à 10€ ou un camion. J'ai fait les deux. D'accord. Merci en tout cas, Matt, d'être venu nous voir. C'était super sympa. C'est moi qui vous remercie. Ouais. C'est nous qui le remercions. Merci à lui d'être venu. Et il est quand même descendu de Paris pour un morceau avec nous, le bonhomme. Et il remonte demain. À Lille. Il remonte à Lille. Maintenant. Où on est très fort, où il est très con. Merci, Max. The White Rattlesnake. The White Rattlesnake, The White Rattlesnake. Je l'aurais dit trois fois de suite, sans me tromper. Vous pouvez les applaudir dans quelques instants. On les retrouve sur la scène. Juste avant, on va écouter aussi un petit peu de blues avec Hans Tessink et Big Daddy Wilson. Une belle collaboration, un album de blues acoustique. Ça va nous reposer les oreilles avant de retrouver le blues des White Rattlesnake. Pour l'instant, c'est un sans faute. Everybody out to treat a stranger right. Le Blues Café, l'émission concert en public, le meilleur de la scène blues. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Be careful how you treat a stranger. By belying him, you turn him away. But the fear that he might endanger will drive him from your gate. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Be mindful of your speaking, careful how you go along. Always treat a poor stranger right, accept them in your home. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Down here are strangers. None of us have a home. Don't ever hurt your brother and cause him to feel alone. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Everybody ought to treat a stranger right, long ways from home. Nous sommes de retour ici au Millennium. Nous sommes à l'île d'Abo en live et en public. Vous pouvez retrouver les dates de nos soirées sur le www.bluesactu.com. C'est des soirées, voilà, vous pouvez venir assister à ces enregistrements. Et tout de suite, sur la scène du Blues Café, il y a un White Rattlesnake. Lost your mind, and I'm mad at you. He holds you all the time, but when things go wrong, go wrong with you, it sounds mental. You love him more when you should love him less. Why you pick up being him and take his meds? But when things go wrong, go wrong with you, it sounds mental. Merci beaucoup. Le meilleur de la scène blues se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était ce soir le Blues Café de White Rattlesnake. Un grand merci à toute l'équipe du Millennium. Il y avait ce soir Margot, Stéphanie, Ludo, Seb et Gilles. Vous pouvez les applaudir très très fort. Un grand merci aussi à François qui réalise les captations au Blues Café. Captations vidéo. Que vous pouvez retrouver sur notre chaîne YouTube. Un grand merci également au studio Magneto qui mixe nos émissions. Que vous pouvez retrouver sur le www.bluesactu.com. Et on vous rappelle qu'on vous accompagne 24 heures sur 24 avec notre web radio Blues Café Radio sur bluescaféradio.com. A très bientôt, Francis. A très bientôt, Cédric. On laisse la scène White Rattlesnake. Attends, pour un dernier morceau. Tu peux répéter encore quel groupe? J'ai fait un sans faute, tu vas pas me faire flancher sur la dernière ligne droite. Les White Rattlesnake. Ouais. Voilà. Merci, Cédric. Merci, Francis. Merci à vous tous. Du fond du cœur. Donc un morceau de Lee Bailey. Hein, Francis? Did you sleep last night? Sitting in the pines, in the pines, where the sun don't ever shine. I'm on the shiver the whole night through. Bound walls, a hard walking man, just about a mile from here. His hand was found in a driving wheel, but his body sur bluesactu.com. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.